sèche s'habiller de raisin et à travers la pierre faire jaillir son vin. Avoir l'arbre qui change son squelette en festin et un lit de caillasse devenir un jardin. Comment peux-tu chanter que tout est vanité, que l'amour désespère, que le monde est poussière? Comment peux-tu chanter que tout est vanité, que l'amour désespère, que le monde est poussière? Voir la vague là, c'est la vague revivre, et le regard blessé qui de nouveau s'enivre. Avoir tant de caresses éclater sur nos corps, après des nuits si froides que l'on parle de mort. Comment peux-tu chanter que tout est vanité, que l'amour désespère, que le monde est poussière? Comment peux-tu chanter que tout des vanités, que l'amour désespère, que le monde est poussière? Avoir brisé les portes des prisons de la peur, et l'esclave chanter pour se donner du cœur. Avoir les vents qui dorment écartelés les ailes, pour laisser grand la place à la chaude lumière. Comment peux-tu chanter que tout est vanité, que l'amour désespère, que le monde est poussière? Comment peux-tu chanter que tout est vanité, que l'amour désespère, que le monde est poussière? Comment peux-tu chanter que tout est vanité, que l'amour désespère, que le monde est poussière?